بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أما الموطأ فهو كتاب مهم En ce qui concerne le Muwatta, alors c'est un livre très important. Il fait partie des livres de base dans la science du hadith, comme Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daoud, Jami' al-Tirmidhi, Sunan al-Nasa'i, et d'autres. Le Musnad de l'imam Ahmed, Sunan al-Darimi. وسبق أن أخبرتكم بأن الإمام مالكا ولد سنة 93 من الهجرة وتوفي سنة 979 فأدرك صغار التابعين وأوساطهم فأسانده في الموطأ عالية بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم رجلان في كثير من الأسانيد تابعي وصحابي. Et donc on a cité précédemment que l'imam Malik, il est né en 93 de l'Hégire et qu'il est mort en 179. Il a donc rencontré les petits, donc, tabi'in. J'avais déjà expliqué c'est quoi ce terme, petit tabi'in. Ha ha. Tu vas me dire, c'est loin. Sirar ou tabi'in. Sirar et tabi'in. Et tabi'in, c'est qui les tabi'in? Comment? Ceux qui sont venus donc après les Sahaba. La génération après les Sahaba. Mais eux, ils se divisent. Il y a les grands parmi les tabi'in et les petits et ceux qui sont au milieu. Les petits tabi'in, c'est ceux qui ont pris les Sahaba, mais pas des plus hauts Sahaba. Ce sont ceux qui ont rencontré les petits tabi'in, ce sont ceux qui ont rencontré les petits Sahaba, c'est-à-dire les plus jeunes. C'est-à-dire ceux qui sont morts en dernier parmi les compagnons. Et les petits tabi'in, tu verras que la majeure partie de leurs narrations sont les narrations des tabi'in. Parce qu'ils ont rencontré plus de savants parmi les tabi'in que de savants parmi les compagnons. Donc ils ont rencontré des compagnons, mais ils ont aussi pris des tabi'in. Ça s'appelle les petits tabi'in. Les grands tabi'in, ce sont ceux qui ont rencontré les anciens compagnons, les grands, ceux qui sont morts en premier. Et donc, ils les ont rencontrés, eux. Et donc, la plupart de leurs narrations sont des narrations qu'ils ont prises des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, l'imam Malik, il a rencontré, lui, les petits tabi'in. Et donc, il y a entre l'imam Malik, dans plusieurs chaînes de transmission du Muwatta, il y a entre l'imam Malik et le prophète, deux personnes. Subhanallah. Entre lui et le prophète, dans la chaîne de transmission, juste deux personnes. Un tabi'in, un compagnon. Et ça fait partie des avantages qu'il y a dans ce livre, le Muwatta. Parce que ça, tu ne le trouves pas. Tu ne le trouves pas dans Sahih al-Bukhari, tu ne le trouves pas dans Sahih Muslim, tu ne le trouves pas dans Sunan Abi Daoud. Ça, tu le trouves dans le Muwatta de l'imam Malik. Parce qu'il est venu avant les autres. Wa mimma yadullu ala ahamiyati hadha al-kitab. كلام الشافعي أصح كتاب بعد كتاب الله موطأ الإمام مالك. Parmi les éléments qui montrent l'importance de ce livre, il y a la parole de l'imam al-Shafi'i. Lorsqu'il dit, le meilleur livre après le livre d'Allah est le موطأ de l'imam Malik. ولا تعارض بين قول الإمام الشافعي وإجماع علماء الحديث على أن أصح كتاب بعد كتاب الله صحيح البخاري ومسلم. Et il n'y a pas de contradiction ici entre la parole de l'imam Shafi'i qui nous dit que le meilleur livre après le livre d'Allah, c'est le Muwatta de l'imam Malik. Il n'y a pas de contradiction entre cette parole. Et l'unanimité des savants du hadith qui nous disent que le livre le plus authentique après le livre d'Allah sont les deux sahih, Al-Bukhari et Muslim. Pourquoi? Parce que Al-Shafi'i rahimahullah, il a dit cette parole alors que le sahih Al-Bukhari n'existait pas encore. Al-Bukhari n'avait pas encore écrit son livre Al-Sahih. فقد توفي توفي الإمام الشافعي سنة أربع سنة أربعين بعد المئة عفوا بعد المئتين وعمر الإمام البخاري آنذاك لم يتجاوز عشر سنين. الإمام الشافعي لا prononcé cette excusez-moi l'imam الشافعي il est mort en 204 de l'Hégire Et l'imam al-Bukhari, à ce moment-là, il n'avait pas encore atteint les 10 ans. Et donc, il n'avait pas encore écrit son livre, Sahih al-Bukhari. ثم ليعلم أن أهل العلم ذكروا من أسباب تسمية هذا الكتاب بالموطأ ما جاء عن الإمام مالك أنه قال عرضت كتابي هذا على 70 فقيها من فقهاء المدينة فَكُلُّهُمْ وَاطَأَنِي عَلَيْهِمْ فَسَمَّيْتُهُ الْمُوَطَّعِ. Parmi les savants, ils disent que parmi les causes qui font que ce livre, il s'appelle « El-Muwatta », il y a la parole de l'imam Malik qui dit « J'ai présenté ce livre à 70 savants de Médine et tous m'ont agréé, tous étaient d'accord avec moi. » Et là, il a utilisé le mot « wa ta'ani » pour dire qu'ils étaient d'accord avec moi. « Wa ta'ani ». Alors, je l'ai appelé « El-Muwatta ».« El-Muwatta », celui qui a été agréé. « Wa kazalika dhakaru min asbabi tasmiyati hadha al-kitab al-ma'na al-lughawi » Et aussi, ils ont cité parmi les causes de du choix du nom de ce livre, sa signification aussi dans la langue arabe. Muwatta, qu'on peut traduire par, expliquer par muyassar, facilité. Fait que anna l'imam Malik yassar al-ilm lin-nas faj'alahu bayna aydihim. Et c'est comme si l'imam Malik, il a facilité la science aux gens. Et qu'il a mis cette science entre leurs mains. Et donc, elle ne voit pas celui qui est facilité. وهذا الكتاب كتاب الموطا لا يقتصر على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسب. وإنما الإمام مالك يذكر كذلك أقوال وفتاوى التابعين. وكذلك يذكر ايضا اقوال من الامام مالك نفسه. Et donc ce livre, l'auteur, l'imam Malik ne s'est pas suffi de citer les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il a aussi cité donc les paroles des compagnons, les fatawa des compagnons et des tabi'in aussi dans son livre Al-Muwatta, et on y trouve aussi les paroles de l'imam Malik lui-même rahimahullah. Parmi les explications connues de ce livre, il y a Al-Istidkar du très grand savant Maliki Ibn Abd al-Barr, ainsi que Al-Tamhid du même savant. Il a fait deux explications du livre Al-Muwatta et aussi Al-Muntaqa d'Abil Walid al-Baji. Et donc, et il y a d'autres explications, mais je vous ai cité les plus importantes. Et parmi nos contemporains, on a donc, je pense que vous avez entendu la nouvelle, le Cheikh Abdel Mohsen Al-Abed qui commence à expliquer le Muwatta. Il a commencé il n'y a pas longtemps. Et donc cela montre l'importance de ce livre, le fait que les savants continuent donc de l'expliquer et de faire les étudiants étudier ce livre. Fait, quand l'imam Malik rahimahullah Babu ma ja'a fi husn al-khuluq. Le chapitre, ou du moins, na'am, le sous-chapitre concernant ce qui a été rapporté, le sous-chapitre de ce qui a été rapporté concernant le bon comportement. Le sous-chapitre de ce qui a été rapporté concernant le bon comportement. قال وحدثني عن مالك عن معاذ ابن جبل قال آخر ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وضعت رجلي في الغرز أن قال أحسن خلقك للناس يا معاذ يا معاذ ابن جبل. Et il m'a rapporté, selon Malik, et il m'a rapporté selon Malik, que Mu'adh ibn Jabal a dit, la dernière chose, la dernière recommandation que le prophète, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a faite, lorsque j'ai mis mon pied dans l'étrier, lorsqu'il s'apprêtait à partir au Yémen, lorsque j'ai mis mon pied dans l'étrier, et qu'il m'a dit, comporte-toi bien avec les gens, ô Mu'adh ibn Jabal. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire par rapport à ça? Authentique ou pas authentique? Est-ce qu'il y a un problème? Si ce n'était pas facile, je ne vous aurais pas posé la question. Si je vous pose la question, c'est que c'est évident. Je relis la chaîne de transmission. Entre Malik et Mu'adh. Voilà. L'imam Malik, il n'a pas rencontré les compagnons. Je l'ai dit il n'y a pas longtemps. Voilà. Donc l'imam Malik, il n'a pas rencontré les compagnons. Et là, on nous dit donc, selon Malik, que Mu'adh ibn Jabal. Il manque un maillon. Il manque une personne dans la chaîne de transmission. Et aussi, il y a un autre point essentiel. La chaîne de transmission, elle commence en disant « Wa haddathani an Malik ». Et il m'a rapporté selon Malik. C'est le livre de Malik, on est d'accord. C'est le livre de l'imam Malik. Qui c'est qui nous dit « Il m'a rapporté selon Malik » C'est Malik qui dit ça. Il parle de lui-même, mais il m'a rapporté selon Malik. Qui dit ça? Ça c'est Ubaydullah ibn Yahya. Ibn Yahya al-Layfi. Ubaydullah ibn Yahya al-Layfi. C'est un des rapporteurs du Muwatta. Comment est-ce que ce livre nous est parvenu? C'est qu'il y a plusieurs personnes qui l'ont entendu de l'imam Malik. Qui l'ont mémorisé, noté, et ensuite ils nous ont rapporté, yarhamukallah, les différentes narrations donc, du Muwatta. Et parmi ceux qui l'ont rapporté, il y a Ubaydullah, qui est le fils de Yahya ibn Yahya. Et Yahya ibn Yahya, lui, c'est un étudiant de l'imam Malik. Et donc quand il dit « Wa haddathani an Malik », c'est Ubaydullah qui nous dit que son père, Yahya, lui a rapporté de Malik. Et à chaque fois, dans toutes les chaînes de transmission, ça commence comme ça. « Wa haddathani an Malik, haddathani an Malik, haddathani an Malik. » Une personne qui ne connaît pas cette info, elle lit le livre, elle dit « C'est qui ?» Comment ça, à chaque fois, c'est qui? Et donc, aujourd'hui, donc, on comprend que cette personne qui parle, c'est un des rapporteurs, un des étudiants de l'imam Malik, et c'est son fils qui nous rapporte cette information. Et donc, concernant cette chaîne de transmission, on a dit que l'imam Malik, il n'a pas rencontré les compagnons. Et donc, cette chaîne de transmission, on l'appelle Munqati'a. C'est une chaîne de transmission qui est coupée. Elle est coupée. Dhakar ibn Abd al-Barr fi Tamhid. إسنادا آخر عن مالك عن يحيى بن سعيد عن معاذ. Ibn Abd al-Barr, il a cité dans son livre At-Tamhid une autre chaîne de transmission. Selon Malik, selon Yahya ibn Sa'id, selon Mu'adh. Et donc celle-là, elle est bonne? Non, elle est toujours pas bonne. Yahya ibn Sa'id, il n'a pas rencontré les compagnons. Il n'a pas rencontré donc Mu'adh. Yahya ibn Sa'id, il est mort en 143. Mu'adh, il est mort en 18 de l'Hégire. Mu'adh, il est mort tôt. On a dit, rappelez-vous, il y a des compagnons qui sont morts tôt, des compagnons qui sont morts tard. Pourquoi est-ce que je vous cite ça? Vous allez me dire, mais carrément, on n'est pas des mohadissines. Ben, déjà, il faut apprendre. On n'est pas des muhaddisines, je vous dirais moi non plus. Je ne suis pas muhaddis. Mais on aime le hadith. Et on aime les savants du hadith. On aime savoir est-ce que c'est vrai ou pas. Est-ce que c'est la parole du prophète ou pas. Et donc on apprend petit à petit, comme ça. À chaque fois, tu prends une information à droite, à gauche. Et au final, tu verras que tu vas réussir à comprendre cette science petit à petit. T'étudies, Inch'Allah. Et pourquoi est-ce que je vous cite ça, les frères? C'est parce que il se peut qu'une personne, elle nous dise l'imam Malik, il n'a pas cité qui lui a rapporté l'info. Il n'a pas cité qui lui a rapporté l'information. Mais c'est l'imam Malik quand même. C'est l'imam Malik. S'il nous rapporte cette information, c'est qu'il nous rapporte avec une source sûre. Et donc on accepte. On va te dire là. Non. Même pour l'imam Malik, on n'accepte pas. Tant qu'on n'a pas une source sûre, on n'accepte pas. Et les frères, et c'est là qu'on se remet en question. Pourquoi est-ce que nous, à notre époque, dès qu'il y a le moindre message qui vient sur notre téléphone, tu ne sais pas d'où ça vient, tu ne sais pas c'est qui. Twitter, le compte Twitter de je ne sais pas qui, le compte Facebook de je ne sais pas qui. N'importe quel inconnu qui vient, il parle de la religion, il te dit une information sur quelqu'un, et hop, on croit. Après, il faut vérifier. Abdelkarim, est-ce que c'est vrai que... Abdelkarim, il a été dit que... Abdelkarim, est-ce que c'est vrai que... Mais les frères, la chaîne de transmission. Une fois, Cheikh Arafat, il m'a interrogé concernant la parole d'un individu qui s'était propagé. Et le Cheikh, il m'a dit, mais comment ça se fait que cette parole s'est propagée en France? Je dis parce que, Cheikh, les gens en France, ils ne connaissent pas la science de la chaîne de transmission. N'importe qui parle, on prend. N'importe quelle personne qui parle, allez hop, on prend. Il faut faire très attention, les frères. Minel Imam Malik. De l'imam Malik, on n'accepte pas. Alors c'est l'imam Malik. C'est celui dont l'imam Shafi'i a dit de lui, il a zukhir al-ulema, fait Malik un najm. Lorsque les savants sont cités, Malik, c'est l'étoile. C'est celui qui se distingue des autres. Malgré ça, on n'accepte pas tant qu'on n'a pas une source sûre. Faites très attention, mes frères. Ceci, c'est notre religion. Paradis ou enfer. Ne va pas baser ta religion, ta croyance, sur une source dont tu ne connais même pas l'individu. Un site, tu ne sais même pas qui gère le site. Homme, femme, musulman, mécréant, juif, tu ne sais pas. Vérifie. أما الأمر بحسن الخلق فجاء في حديث أبي ذر في جامع الترمذي أنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن وقال الترمذي حديث حسن صحيح. En ce qui concerne l'ordre d'adopter un bon comportement. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, comme dans Jami' al-Tirmidhi, selon Abu Dharr, crains Allah où que tu sois. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous ordonne d'adopter un bon comportement où que nous soyons. Souvent, je le dis, les frères, c'est facile d'adopter, excusez-moi, il nous ordonne de craindre Allah où que nous soyons. C'est facile de craindre Allah lorsqu'on est tous ensemble, là, maintenant. On est tous ensemble, tu t'assieds, alhamdulillah. C'est difficile de faire un péché au milieu de la salle comme ça. C'est difficile, hein? Tu fais un péché au milieu de la salle comme ça, devant tout le monde. Et donc c'est facile de, on va dire, de craindre Allah comme ça lorsqu'on est en groupe. Taïb, lorsque tu es chez toi tout seul, est-ce que tu vas craindre Allah? Lorsque tu es dans ton téléphone, est-ce que tu vas craindre Allah concernant ce que tu vas regarder, concernant ceux ou celles avec qui tu vas discuter? Est-ce que tu vas craindre Allah tabaraka wa ta'ala? Le prophète qui nous dit ittaqillaha haythuma kunt. Crains Allah où que tu sois. Naam. Mashallah, barakallahu fik. Et donc Cheikh Hassan, il me dit, donc c'est mieux de dire donc que les savants, ils ont dit que D'ailleurs, c'est ce que j'avais cité dans mes notes. Les savants, ils disent que une chaîne de transmission, quand elle est coupée, on ne l'accepte pas. La chaîne de transmission, quand elle est coupée, on ne l'accepte pas. Peu importe celui qui nous l'a rapporté. C'est mieux de dire cela que de dire on ne prend pas de l'imam Malik. Par respect pour cet imam. Jazakallah khairan. Vous avez vu la sagesse des anciens? Et donc, on craint Allah que l'on soit seul ou accompagné. Ensuite, le prophète qui nous dit wa adbi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Et fait suivre la mauvaise action d'une bonne, celle-ci va l'effacer. On doit craindre Allah, mais il se peut que tu tombes. Il se peut que tu tombes dans un péché, parce que tu es faible. Tu crains Allah, mais tu commets un péché. Et on commet tous des péchés. Kullu bani Adam khata. Tous les enfants d'Eden, d'Adam, font des péchés, font des fautes. Khata, al-khati'a. Et donc, lorsque cela arrive, qu'est-ce que tu fais? Tu accomplis une bonne action qui va effacer cette mauvaise. Lorsque c'est un petit péché. Lorsque c'est un grand péché, il est impératif que tu fasses taouba. Que tu te repentes à Allah tabaraka wa ta'ala. Et ensuite, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Et comporte-toi avec les gens de la bonne façon. Le deuxième hadith, wa haddathani an Malik. عن ابن شهاب عن عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة من حرمة الله فينتقم لله بها. Et il m'a rapporté, c'est qui parle? Ubaydullah. Et il m'a rapporté, selon Malik, selon Ibn Shihab al-Zuhri, selon Urwa ibn Zubayr, selon Aisha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit: il n'a été donné le choix au prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant deux choses sans qu'il choisisse la plus facile, tant qu'il n'y avait pas de péché en cela. Et s'il y avait un péché en cela, alors il était la personne la plus éloignée de cette chose. Et le prophète, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ne se vengeait pas pour lui-même, sauf si les interdits d'Allah étaient violés. Alors là, il se vengeait pour Allah. Alors là, c'est-à-dire donc il défend la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. قال الحافظ النووي فيه استحباب الأخذ بالأيسر والأرفق ما لم يكن حراما أو مكروها. Et donc, الحافظ النووي, il dit qu'il y a dans ce hadith le fait qu'il est recommandé de faire ce qui est le plus facile et donc est le plus donc abordable tant qu'il n'y a pas en cela une interdiction, tant qu'il n'y a pas en cela quelque chose qui est interdit ou détestable. Et là, dans le hadith, Aïcha a cité le mot ithman, péché. Là, le mot péché, si on prend cette explication de l'Hafiz al-Nawawi, l'ithm, on ne va pas le traduire par péché. On va le traduire par interdiction. Pourquoi? Parce que l'interdit, ça peut être pas, soit parce que c'est une interdiction formelle, donc c'est haram, soit, yarhamukallah, soit c'est détestable. Soit c'est détestable. Et comme ça, donc, on a englobé, on peut donc prendre, on va interpréter donc le hadith comme cela avec l'explication de l'Hafiz al-Nawawi. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas dans cette chose quelque chose d'interdit, ou de détestable, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le faisait. Wa qala ibn Abd al-Barr fi at-tamhid wa fi hadha al-hadith dalilun ala anna lil alimi an yatajafa 'an al-intiqam li nafsihi wa ya'fu wa ya'khudh bil fadl in ahabba an yata'assa bi nabiyyihi sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Ibn Abd al-Barr, il dit dans Tamhid qu'il y a dans ce hadith une preuve qui montre que le savant, il peut donc s'abstenir du fait de se défendre, du fait de défendre sa propre personne, et pardonner, excuser, prendre ce qui est mieux s'il veut suivre son prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Fin de citation. Les frères, regardez nos ulémas. Lorsqu'ils sont attaqués dans leur honneur, lorsque les gens mentent sur eux, ils ne vont pas, ils ne se défendent pas pour eux-mêmes. Ils ne vont pas défendre leur propre personne. Lorsqu'ils répliquent sur quelqu'un, c'est pour défendre la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Tu peux parler sur moi tant que tu veux. Tant que tu veux, vous rappeler la parole de l'imam Rabia. Lorsqu'il dit, les paroles des gens, lorsqu'ils parlent sur moi, tahta qadami, en tous mes pieds. Ça n'a aucune importance. C'est la religion, c'est ça le plus important. Lorsque tu parles, c'est pour la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Il y a beaucoup d'ahadiths qui ont été rapportés et qui montrent le fait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il ne défendait pas sa propre personne. Et parmi ces ahadiths, il y a le hadith dans Al-Bukhari et Muslim, cité par Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, qui cite qu'un homme avait critiqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Innaha la qismatun ma urida biha wajha Allah. C'est une répartition du butin. Une répartition dont ce n'est pas le visage d'Allah qui a été voulu par cela. La personne a critiqué l'acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Mas'ud, il a dit Amma ana li ukhbiranna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. En ce qui me concerne, moi je vais informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est allé le voir et il a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de cet homme qu'il a critiqué. Et il a informé le prophète de cette personne qu'il a critiqué. J'ai 2 minutes encore. Je finis mon hadith. Et donc, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Mas'ud, il dit que le prophète s'est énervé, fait Radiba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wa taghayyara wajhu. Il a changé, son visage a changé, il s'est énervé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Oudhiya Moussa bi akthara min dhalik fa sabar. Moussa a subi bien plus de tort que cela et il a patienté. On ne se défend pas pour notre propre personne. Lorsque tu parles, c'est pour défendre la vérité, pour défendre le haqq. Et ta personne, tu la mets de côté. Voilà le comportement de nos ulema, le comportement qu'on a appris des gens de science. On va arrêter là, inshallah ta'ala. Et demain, inshallah ta'ala, on va commencer le 3e hadith. Wafakallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullahu khairan.